franceinter.fr. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, retour sur l'assassinat du premier ministre suédois Olof Palme le 28 février 1986 à Stockholm, il y a 31 ans, jour pour jour. Une tache de sang sur la neige, un pays en deuil, un émoi planétaire. Par une froide soirée d'hiver 1986, la Suède et les Suédois abandonnent brutalement leur sérénité, si souvent montrée en exemple. C'est aussi pour ce pays la fin d'une certaine insouciance, l'entrée dans l'impensable. Anticolonialiste, soutien indéfectible du tiers-monde, militant anti-apartheid, pacifiste convaincu et ardent défenseur d'un désarmement international, Olof Palme avait acquis en l'espace de 2 décennies une stature diplomatique hors norme. Sous son impulsion, le royaume de Suède, ce pays discret d'Europe du Nord, devient un acteur majeur dans les négociations internationales. Sur le plan intérieur, Palme incarne un modèle politique, la social-démocratie, qu'on aime citer en exemple pour ses résultats à l'époque. Alors, qui pouvait en vouloir à ce messager de la paix? Aujourd'hui, la question hante toujours la société suédoise. Car malgré une enquête criminelle de dimension planétaire, malgré l'audition de plusieurs milliers de témoins, malgré des millions de pages de procès-verbaux et malgré l'arrestation de plusieurs personnes, la justice n'a jamais réussi à trouver le ou les coupables, s'il ne s'agit pas d'un crime esselé. Après le récit, pour revenir avec nous sur cette affaire, notre invitée, la journaliste Anne-Françoise Hiver, correspondante de Radio France et du journal Le Monde en Suède, elle est l'auteur de plusieurs articles et reportages sur l'affaire. Elle a rencontré plusieurs des protagonistes de ce dossier. Anne-Françoise Hiver sera en duplex avec nous dans les studios de Sveriges Radio, la radio nationale suédoise, dans la ville de Malmö. Affaires sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée par Adrien Cara avec le soutien des documentalistes de Radio France. Attaché de production, Valérie Priolet-Isard. Coordination Christophe Barrère, réalisation Stéphane Ronxin, programmation musicale Muriel Pérez, à la technique aujourd'hui Ludovic Asselot. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Vendredi 28 février 1986, il est un peu plus de 23h10. Dans le centre de Stockholm, au cinéma Grande, la séance du soir vient de se terminer. Les spectateurs sortent les uns après les autres. Dans la rue, sur le trottoir, des petits groupes se forment. Ici et là, on discute, chacun se prépare à rentrer chez soi. Au milieu de cette foule, un couple anonyme d'une cinquantaine d'années. Lui aussi ressort de la projection. Il salue chaleureusement un jeune homme et une jeune fille, puis il arpente les pavés gelés de la rue Sveavinguen. Alors, métro, taxi, non. Le couple décide de marcher un peu. Ce soir, un vent froid venu de la Baltique balaye la capitale suédoise. Le thermomètre affiche moins 12 degrés. Le couple, lui, poursuit son chemin, tranquillement. La femme regarde certaines vitrines encore allumées. L'homme, lui, a le regard absent. Les minutes passent, la neige tombe. Devant eux, la rue est déserte. Après quelques centaines de mètres, ils dépassent l'église Adolf Fredericks et continuent à faible allure. Peuvent-ils alors imaginer que, tapis dans l'ombre, quelqu'un les observe? Peuvent-ils se douter un seul instant que, depuis leur départ du cinéma, ils ont été pris en chasse? Non, ils ne peuvent pas, et ils ne s'en doutent pas. 10 minutes plus tard, le couple arrive à l'intersection de la rue Todungalden. La femme marche toujours devant, l'homme est à quelques mètres derrière elle. À leur droite, les lumières jaunes des magasins des Corimba clignotent. Le couple remarque qu'un homme avec un long manteau se tient debout sur le pas de la porte. L'individu ne regarde pas. L'homme et la femme continuent leur chemin. Mais à peine ont-ils fait quelques pas que soudain retentissent 2 bruits assourdissants. Des coups de feu. Sans comprendre ce qui lui arrive, l'homme s'effondre en avant, touché dans le dos. La femme, elle, bascule elle aussi, frôlée par un second projectile. Alertée par le bruit, quelques passants se précipitent. Une tache de sang recouvre le sol. Le couple gît à terre, l'homme est inconscient. La femme, toujours les yeux ouverts, hurle au secours. Il faut attendre de longues minutes pour que la police et les secours arrivent enfin sur le lieu du drame. L'homme est pris en charge et évacué vers l'hôpital le plus proche. Il est dans un état critique, il a perdu énormément de sang. Son épouse n'est que légèrement blessée. Choquée, elle est placée en observation. Une heure plus tard, alors que la nouvelle de la fusillade est pour l'instant encore confidentielle, une étrange agitation traverse lui-même Rosenbad, siège du gouvernement suédois. Le vice-premier ministre, Ingvar Carlsson, arrive sur place, en pleine nuit. Il s'entretient à huis clos avec le responsable des services secrets du ministère de l'Intérieur. À 2h du matin, l'ensemble des forces de police du Royaume de Suède sont placées en état d'alerte et la radio nationale interrompt tous ses programmes et diffuse des flashs spéciaux « Breaking News ». En France, les téléscripteurs de l'AFP se mettent brutalement à crépiter. En provenance de Suède, on apprend alors une nouvelle terrible et surréaliste. L'homme sur lequel on a tiré en pleine rue et en plein cœur de Stockholm, c'est le chef du gouvernement, Olof Palme. Il est mort. Symbole de la social-démocratie suédoise, militant acharné sur la scène internationale du neutralisme et du désarmement, le Premier ministre suédois Olof Palme a été assassiné hier soir en pleine rue à Stockholm à la sortie d'un cinéma par un individu qui a réussi à prendre la fuite. La Suède est en état de choc. Des milliers de personnes continuent ce soir de converger vers l'endroit où a été commis cet assassinat. Le lendemain matin, samedi 1er mars 1986, en Suède, la nouvelle de l'assassinat d'Olof Palme me provoque la stupeur. Effrayés, les Suédois se rassemblent spontanément dans la rue pour rendre hommage à la victime. Pour comprendre l'impact de cet assassinat sur la population, il faut retenir ces trois points. Tout d'abord ici, et contrairement au reste de l'Europe, on est épargné par le terrorisme. Les assassinats sont rares, le dernier meurtre d'un responsable politique en Suède remonte au XVIIIe siècle. Autre élément important, le mode de vie des dirigeants suédois qui n'a rien de comparable avec ce qui se passe ailleurs. Ici, oui, on peut croiser le roi. Dans l'autobus, on peut trouver le numéro de téléphone des membres du gouvernement dans l'annuaire, tout simplement. Quant aux plus hauts fonctionnaires, ils payent eux-mêmes leurs contraventions en se rendant au guichet comme tout le monde. Et la plupart du temps, ils n'ont pas de garde du corps. Enfin, la victime, bien sûr. Olof Palme, pièce maîtresse de la social-démocratie, y compris au-delà des frontières de son pays depuis près de 20 ans. Tant du côté du gouvernement que du côté de l'opposition, il est considéré comme une figure tutélaire. Le pays se retrouve ainsi orphelin. Dans toutes les capitales du monde, et les hommages sont à la mesure du personnage. De Washington à Moscou, en passant par Londres, Rome ou Pékin, chacun fait part de sa tristesse. À Paris, le Premier ministre Laurent Fabius se rend à l'ambassade de Suède, où il présente, au nom de la France, ses plus profondes condoléances, avec sincérité, ce qui n'est pas toujours le cas en diplomatie. À sa sortie, ému, il réagit au micro de France Inter. J'ai encore dans le souvenir une journée, une après-midi que nous avions passé ensemble sur un bateau où il était extraordinairement joyeux, proche comme il savait l'être et extrêmement chaleureux. Et c'est un tel contraste avec sa disparition, avec son assassinat. Un assassinat, c'est toujours quelque chose de terrible, mais là, pour un homme qui en plus était épris de paix, de solidarité, qui était là. Le rayonnement même, la générosité même, c'est quelque chose de vraiment de terrible. Un militant de la paix, les propos du Premier ministre français résument à eux seuls l'image que renvoie Olof Palme. Ce 1er mars 1986 à Stockholm, l'enquête sur l'assassinat du chef du gouvernement commence. La population réclame justice, et vite. Les autorités suédoises nomment le préfet de police de la capitale, Hans Holmer, responsable des investigations. Pour mener à bien les auditions des différents témoins, ainsi que l'analyse de la scène du crime, le commissaire spécial Holmer dispose de moyens énormes. Une équipe de plus de 140 policiers à temps plein. À cet effectif pléthorique s'ajoute le renfort d'un détachement d'experts en balistique et en portraits robots de la police criminelle ouest-allemande. Autrement dit, sur le papier, le commissaire Holmer dispose de tous les moyens nécessaires pour trouver l'assassin. En quelques heures, les policiers enregistrent plusieurs dizaines de témoignages. Certains d'entre eux, relayés dans la presse, fournissent de précieux renseignements sur ce qui s'est passé la veille au coin des rues Sveavägen et Tidengelgatan. L'un des témoins oculaires, un professeur de musique, stationné dans sa voiture à proximité le soir du drame. Il affirme qu'un homme de grande taille, vêtu d'un manteau de couleur sombre, s'est approché du Premier ministre avant de lui tirer dans le dos à deux reprises. Le témoin raconte aussi que le tireur s'est enfui en courant. Le second témoignage est celui d'une portraitiste professionnelle. Elle a aussi assisté au crime. Elle donne aux enquêteurs de nombreux détails sur le tireur. Un homme à la carrure ordinaire, entre 30 et 50 ans, mesurant autour d'1m80 et portant un manteau sombre, ses gestes étaient calmes, méthodiques. On apprend ensuite, de la bouche d'un troisième témoin, un homme d'une trentaine d'années qui a poursuivi l'assassin dans les rues de Stockholm, que le tireur a subitement disparu quelques centaines de mètres plus loin en haut de grands escaliers. Et ce témoin ajoute « Quand je suis arrivé en haut, je me suis retrouvé nez à nez avec une voiture de police. » Une voiture de police à proximité de la zone du crime. L'élément intrigue les journalistes. Car le commissaire Holmer a été clair là-dessus. Il n'y avait aucun policier dans la zone au moment de la fusillade. Alors quoi? Une erreur du témoin ou au contraire, un premier élément trouble dans ce dossier? Une chose est sûre, et alors que l'enquête n'en est qu'à ses débuts, au même moment à Londres et à Bonn, la police locale reçoit de mystérieux appels. Au bout du fil, des individus revendiquent l'assassinat du Premier ministre Palme. Et ils le revendiquent au nom de la Fraction Armée Rouge, une organisation terroriste allemande d'extrême gauche, connue pour ses actions spectaculaires et violentes. L'information est invérifiable, mais elle alimente les théories les plus audacieuses sur la possible implication d'un acteur étranger dans cette affaire. D'autant qu'à Stockholm, au soir de cette première journée d'enquête, les informations dont dispose la police restent toujours confuses. Comme explique l'envoyé spécial de France Inter en Suède, Quentin Dickinson. Deux lignes téléphoniques rouges sont à la disposition du public pour communiquer à la police tout renseignement utile sur l'assassinat d'Olof Palme. Mais aucun du bon millier d'appels reçus en deux jours n'a débouché sur une piste concrète. 10 témoins de la fuite à pied du meurtrier sont interrogés, mais leur description de l'homme est imprécise quand elle n'est pas carrément contradictoire. Le témoignage capital paraissait être celui de Madame Palme, qui dans un premier temps pensait avoir déjà rencontré l'assassin. Mais, sous l'effet du choc et des sédatifs, l'épouse du Premier ministre est revenue sur ses premières déclarations. Bref, tout ce dont disposent actuellement les enquêteurs, ce sont deux balles de revolver. Celles-ci sont d'un modèle tellement particulier qu'il n'en est existé aucun exemplaire dans la collection de près de 600 balles du laboratoire de la police de Stockholm. Il s'agit de balles destinées au calibre de 9 mm qui comportent une coiffe en cuivre sur l'ogive. Cette disposition permet de pénétrer un gilet pare-balles ou un vitrage légèrement blindé. Et c'est très vraisemblablement un Smith & Wesson 357 Magnum qui a servi à les tirer. Les polices étrangères sont interrogées sur l'éventuelle utilisation de ce type de munitions lors d'attentats qui se seraient produits sur leur territoire. Le lendemain matin, dimanche 2 mars, à la surprise générale, la police suédoise, qui ne manque pourtant pas de témoignages et d'informations, lance un appel radio à la population. On offre à quiconque fournira un élément permettant de retrouver la piste du tueur plus de 500 000 couronnes, soit plus de 120 000 de nos euros aujourd'hui. Et très vite, ce qui devait arriver arrive, la police reçoit plusieurs milliers d'appels. À chaque fois, les personnes sont persuadées d'avoir vu le tueur ou de le connaître. Certaines, probablement détraquées, vont même jusqu'à s'accuser elles-mêmes d'avoir tué Olof Palme. Les policiers se retrouvent submergés d'appels en tout genre, les fausses pistes se multiplient, ce qui rend l'enquête encore plus compliquée. Mercredi 5 mars, au lendemain d'une grande messe à la mémoire d'Olof Palme, la police diffuse enfin un premier portrait robot du tueur présumé. Dans tout le pays, on lance une gigantesque chasse à l'homme. Le signalement est diffusé dans toutes les gares, aéroports et stations d'autoroute. De son côté, la presse, qui jusqu'à maintenant avait pris fait et cause pour l'enquête, s'interroge sur les étonnantes méthodes dont font preuve le commissaire Holmer et ses hommes. Pourquoi avoir attendu près de 5 jours après l'assassinat pour enfin installer des barrages routiers à la sortie de Stockholm? Pourquoi, malgré une succession de témoignages concordants, la police n'arrive-t-elle pas à dégager une première piste crédible? Des questions qui demeurent sans réponse. Ainsi, les jours passent et les 140 policiers suédois font chou blanc. Il faut attendre près de 2 semaines pour qu'enfin les enquêteurs arrêtent un premier suspect, comme le rapporte la journaliste Françoise Nieto de Radio Suède Internationale. Pour la première fois depuis le début de l'enquête, il y a 13 jours, la police est, semble-t-il maintenant, en possession d'un élément solide pour retrouver la trace du meurtrier de Olof Palme. Un Suédois de 35 ans, sans alibi pour le soir de l'attentat, a été interpellé hier matin déjà à son domicile par la police. Et après un interrogatoire serré, il a été arrêté, soupçonné de complicité dans le meurtre du Premier ministre. Le L'homme est connu des services de police. Il n'a pas d'alibi. La piste semble donc crédible. Dans la presse, la culpabilité de l'individu semble déjà entendue. Mais à la surprise générale, une semaine plus tard, il est relâché. Toutes les charges contre lui sont abandonnées. La police se serait-elle fourvoyée, perdue sur une mauvaise piste ? En réalité, le problème se situe ailleurs. Car, comme le constateront par la suite certains journalistes, le tout-puissant commissaire Holmer, chef de l'enquête, est convaincu que le tueur ne peut pas être un Suédois. C'est donc, pour lui, l'œuvre d'un étranger. Ainsi, pendant près d'un an, de février 86 à janvier 87, malgré des dizaines de précieux témoignages qui révèlent la présence de policiers à proximité le soir de l'assassinat, Hans Holmer ferme les yeux. Car il concentre tous les efforts de ses hommes sur une autre piste, celle qu'il désigne comme la théorie principale, des tueurs d'origine kurde. D'ailleurs, Holmer semble tellement sûr de son fait qu'il laisse filtrer dans la presse de nombreuses informations sur le passé activiste des membres du PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan, désormais installé en Suède. Des individus que la police surveille déjà depuis de nombreuses années et qu'on soupçonnerait de préparer des opérations terroristes. Le 20 janvier 87, après des mois de traque, d'écoute et de filature, la police suédoise organise un vaste coup de filet dans les milieux kurdes à Stockholm. Une vingtaine de personnes sont arrêtées. Sous l'œil des camarades télé, la police triomphe déjà en conférence de presse et l'opinion publique suédoise veut y croire. Mais le lendemain, nouveau coup de théâtre. Faute d'éléments à charge, la police relâche tous les suspects et reconnaît que la piste kurde ne tient pas la route. Dans la presse et dans la sphère politique, les critiques fusent. Elles se concentrent en particulier sur le commissaire Holmer, l'enquêteur en chef, l'homme qu'on soupçonne de pratiquer des perquisitions sans mandat. D'autant que, depuis plusieurs semaines, d'étranges rumeurs courent dans les rues de Stockholm. Certaines personnes soupçonnent des policiers suédois proches de l'extrême droite d'avoir participé ou couvert l'assassinat d'Olof Palme. Hypothèse invérifiable qui en disent long sur le climat de suspicion dans l'opinion. Toujours est-il qu'après l'échec de la théorie principale, celle de la piste kurde, on décharge le commissaire Hans Holmer de l'enquête. À sa place, on nomme son supérieur, le chef de la police du royaume de Suède. L'enquête repart de zéro. On auditionne plusieurs centaines de nouveaux témoins, on analyse une deuxième fois les balles retrouvées sur la scène du crime. Mais les mois passent et le doute s'installe. Dans la presse, on échafaude toutes les hypothèses. Pourrait-il s'agir d'un assassinat perpétré par des membres de l'extrême droite, s'interroge le quotidien Aftonbladet. S'agit-il d'un meurtre commandité de l'étranger et donc un complot international, s'interroge un autre journal. Personne ne le sait et personne ne dispose pour l'instant du moindre indice. Après 1000 jours d'enquête et des dizaines de fausses pistes, alors que beaucoup de Suédois sont maintenant persuadés qu'on ne retrouvera jamais l'assassin, l'affaire connaît un rebondissement inattendu. Au mois de décembre 1988, bientôt 3 ans après l'assassinat du premier ministre suédois, la seconde équipe d'enquêteurs annonce qu'elle travaille sur une nouvelle hypothèse. Selon elle, le meurtrier serait un désaxé qui aurait agi seul. Dans la foulée, les enquêteurs annoncent avoir arrêté un homme qui correspond à ce profil. Présent à Stockholm pour l'AFP, Gilles Lafond livre les détails concernant le suspect. La décision d'inculper ou non le suspect interrogé depuis 36 heures doit être prise demain. Mais les premières auditions ont permis de mettre en évidence que l'homme, un délinquant connu des services de police pour 63 délits en 20 ans, aurait menti sur son emploi du temps le soir du crime. Un témoin, et ceci est capital, l'aurait identifié comme étant l'homme qui a suivi les époux Palme ce soir-là, à leur sortie du cinéma, à 500 mètres du lieu du crime. Ce sont ces deux témoignages qui donneraient véritablement corps à la suspicion qui pèse sur le prévenu. Une éventuelle confrontation avec la femme du Premier ministre, la seule à avoir vu le visage de l'assassin le soir du crime, pourrait renforcer ou anéantir le fort soupçon qui pèse sur le prévenu. Cette confrontation n'était pas prévue pour aujourd'hui, mais elle sera déterminante pour savoir si, après tant d'erreurs dans l'enquête, les limiers suédois sont enfin sur la bonne piste. Le 14 décembre 1988, la police place cet homme en détention. Dans la presse, le nom et le visage de Christer Pettersson font la une. Premier élément qui retient l'attention des journalistes, l'individu n'a pas le profil d'un tueur psychopathe. Il est connu au contraire, et notoirement connu, pour être un alcoolique et un toxicomane de la banlieue de Stockholm. Un homme qui passe sa vie entre la vodka et le LSD, selon certaines de ses connaissances. De plus, Christer Petersen n'est pas membre de l'extrême droite, loin s'en faut, et il affiche fièrement son soutien aux valeurs socialistes, précisant qu'il a de la sympathie pour Olof Palme. Alors, de quelles preuves disposent les policiers pour l'accuser ? Eh bien, il se trouve qu'un témoin, ou plutôt une victime de cette affaire, est aussi le principal élément à charge contre ce Christer Petersen. Et cette personne, c'est Lisbeth Palme, la femme d'Olof. Le soir du meurtre, elle a été blessée par l'une des balles du terreur, et face aux enquêteurs, elle reconnaît le visage de Christer Petersen. Oui, c'est lui, l'assassin de son mari. Dans cette Suède qui réclame justice pour son premier ministre assassiné, le procès de Christer Petersen s'ouvre un an et demi plus tard, au mois de juin 1989 à Stockholm. Pour la presse, il est déjà coupable. Même si certains observateurs notent que le dossier d'enquête reste relativement faible pour une affaire criminelle de cette importance. D'abord, Petersen n'a jamais avoué, et les policiers n'ont jamais retrouvé l'arme du crime. En revanche, son absence d'alibi et le témoignage de Lisbeth Palme sont des éléments à charge très lourds. Lors des audiences, retransmises en direct sur Radio Suède, l'accusé nie de nouveau et catégoriquement « Non, je n'ai pas tué Olof Palme, mesdames et messieurs les juges. Non, je n'ai pas tiré sur Olof Palme, messieurs les policiers. C'est même un acte que je réprouve. Totalement. » Un mois plus tard, le tribunal rend pourtant un verdict expéditif et sans nuance. Gérard Courchel veut intervenir de Paris, il doit avoir une nouvelle toute récente. Nous sommes privés d'Agence France Presse, ça n'est pas son cas, Gérard. Oui, la cour d'assises de Stockholm vient de condamner à vie Christer Petersen pour le meurtre d'Olof Palme, l'ancien premier ministre suédois, le 27 février 1986. Petersen a 42 ans, il avait été formellement reconnu comme l'agresseur par Madame Palme, l'épouse d'Olof Palme, mais l'enquête policière laissait planer de sérieux doutes sur sa culpabilité. Voilà, il a tout de même été condamné donc à la prison à vie. À Stockholm, justice vient d'être rendue et la population pense désormais tenir son coupable. Mais à la surprise générale, l'affaire connaît de nouveau un rebondissement. 4 mois plus tard, en novembre, lors du procès en appel, Christer Petersen est relaxé. Les juges considèrent cette fois que le témoignage de la femme d'Olof Palme n'est pas suffisant pour condamner cet homme. Christer Petersen, le coupable idéal, est donc libre. Libre et indemnisé à hauteur de 50 000 $. De l'argent qu'il va aller dépenser le soir même de sa libération dans les bars du centre de la capitale, non loin d'ailleurs de l'endroit où Olof Palme est tombé sous les balles du tueur. Oui, mais quel tueur ? Au final, à l'issue de ce spectaculaire procès et de son audience en appel, on assiste à la conclusion de 3 ans de fausses pistes, 3 ans de cafouillage, 3 ans de manœuvres policières douteuses. Et si, pour trouver la clé du mystère, il fallait plutôt chercher du côté du parcours d'Olof Palme, un chef de gouvernement hors norme, mais qui s'était fait de nombreux ennemis, tant sur la scène internationale que dans son pays. Blood. Nous sommes à Stockholm. Pourquoi ? Jeudi dernier, sur cet écran, le Premier ministre, M. Chaban-Delmas, proposait aux Français un contrat de progrès, une trêve sociale durant laquelle les avantages consentis par le patronat seraient compensés par l'absence de grève. Pourquoi cette paix sociale en Suède ? Le Premier ministre, M. Palme, qui appartient à l'aile marchande du Parti social-démocrate au pouvoir, répond. Mais l'on cite souvent en France le modèle suédois. Oui, avec un peu plus de soleil, oui. Avec un peu plus de soleil, comme le dit oui. M. Georges Pompidou, oui. Effectivement. Oui, mais ils sont très heureux, naturellement, si on est intéressé de la société suédoise. Mais seulement, notre société, ce n'est pas un modèle. Parce qu'elle n'est pas terminée. Ce qui est intéressant, c'est possiblement la manière dont nous essayons à résoudre nos problèmes. Mais ce n'est pas une société sans problème. Au mois de mars 1970, dans le journal de 20h, à la télé, les Français découvrent le visage d'un homme de 43 ans. Il a les cheveux blonds cendrés, le regard pétillant. Il parle un français presque parfait. C'est Olof Palme, le Premier ministre du Royaume de Suède et le plus jeune chef de gouvernement en Europe. Le courant social-démocrate auquel il appartient véhicule au début des années 70 un choix de société, un modèle qu'on envie, qu'on étudie et qu'on cite en exemple partout dans le monde. En France, nombreux sont les magazines qui consacrent des pleines pages à ce miracle suédois et à la personnalité de son leader, Olof Palme. Sven Olof Joachim Palme est né à Stockholm en 1927. Troisième enfant d'une famille bourgeoise, il reçoit une éducation prestigieuse dans son pays avant de partir étudier aux États-Unis. C'est là qu'il prend conscience des dérives de cette société et de son modèle libéral. Il admire le syndicalisme américain dans sa lutte contre le patronat. Il rencontre et échange avec de nombreux acteurs locaux. Et lorsqu'il rentre à Stockholm en 1950, il rompt avec la tradition familiale pour s'inscrire au Parti social-démocrate. Remarqué très jeune pour son ouverture, ses idées et son ambition également, il s'impose progressivement comme le dauphin du Premier ministre sortant Tage Erlander. Avant même de devenir chef de gouvernement, Olof Palme affirme déjà des positions franches sur certaines grandes questions internationales. Anticolonialiste, il dénonce la politique française en Algérie, mais aussi et surtout l'impérialisme américain. En 1965, il prononce un discours public retentissant dans lequel il critique la présence américaine au Vietnam. En 1968, il invite l'ambassadeur du Nord-Vietnam à défiler avec lui dans les rues de la capitale suédoise. Un épisode qui provoque une crise diplomatique sans précédent entre Stockholm et Washington. Preuve qu'Olof Palme déroge et dérange. Man bör kalla saker och ting vid deras rätta namn. Noël 1972, désormais à la tête d'une majorité social-démocrate qui gouverne la Suède, Olof Palme accroît sa présence sur la scène diplomatique. À la télévision, lors de son discours du 25 décembre, il s'arrête sur le cas du Vietnam, encore. Et il le dit haut et fort, les bombardements américains sont un crime contre l'humanité, au même titre que d'autres événements dramatiques dans le passé. Guernica. Oradour. Babillard. Katyn. Lidice. Sharpeville. Treblinka. Et donc, Hanoï. Les États-Unis ne constituent pas la seule cible du Premier ministre suédois. Dans le viseur de Olof Palme, on trouve aussi l'URSS, dont il critique vivement l'intervention en Tchécoslovaquie et l'Afrique du Sud pour sa politique d'apartheid. Conférence après conférence, il ferraille contre les puissants qui portent atteinte aux droits de l'homme. En l'espace de quelques années, Stockholm la calme, Stockholm la tranquille, devient une capitale diplomatique de premier ordre. Olof Palme y reçoit et s'affiche avec des personnalités politiques controversées. Le Nicaraguayen Daniel Ortega, le Cubain Fidel Castro, le leader palestinien Yasser Arafat, auquel il promet de soutenir l'adhésion de la Palestine à l'ONU. Infatigable combattant contre l'arme nucléaire et favorable à un désarmement global, l'homme perturbe de nombreux responsables politiques sur la scène internationale. Il devient l'ennemi de tous les cyniques et de la brutalité du monde. Il n'en faut pas plus, à tort ou à raison, pour que dans les années qui suivent son assassinat, de nombreux journalistes, enquêteurs indépendants et historiens avancent l'hypothèse d'une opération des services de renseignements étrangers. Hypothèse qui mène du côté de Pretoria, de Tel Aviv ou de Belgrade. Mais il existe une toute autre théorie, celle d'un assassinat perpétré par les milieux suédois d'extrême droite avec le soutien de la police. Une théorie crédible, selon le journaliste Christian Holmen. Car il le dit, l'enquête a été bâclée et la police semble avoir joué un double jeu dans cette affaire. C'est un fait que l'enquête a échoué de façon catastrophique la première année. Tout est allé de travers, du début à la fin. Pendant la nuit, on n'appelle pas les gens, on ne place pas le pays en état d'alerte, on ne boucle pas la scène du crime, les balles sont retrouvées par des passants, ça continue ensuite avec ce chef de la police, presque incompétent, Hans Holmer, qui chasse les Kurdes en conflit direct avec le procureur, ce qui conduit à une catastrophe pour l'enquête. Admiré par la majorité progressiste de la population, Olof Palme reste haï par une autre minorité, celle des conservateurs. Sa rapide ascension politique et ses prises de position radicales ont créé une rupture dans la tradition scandinave pas spécialement sulfureuse. Olof Palme était devenu la cible de toutes les critiques. Certains lui reprochaient notamment d'appartenir au KGB, d'autres prétendaient qu'il était homosexuel et enfin les derniers affirmaient qu'il était mentalement dérangé. Dans la presse, des journalistes d'extrême droite le traitent de bouffon, d'autres le comparent au fléau du sida. Alors, le meurtre d'Olof Palme, acte esselé ou complot international? Personne ne possède aujourd'hui la réponse. En 2002, le commissaire Holmer, ancien chef de la police de Stockholm, qu'on accuse d'avoir manipulé l'enquête, est mort. 2 ans plus tard, en 2004, c'est Christer Pettersson, le seul homme à avoir été jugé puis innocenté, qui décédait dans des circonstances troubles. 2 hommes qui détenaient sans doute de nombreuses informations utiles pour l'enquête. En 2016, pour les 30 ans de la mort d'Olof Palme, la police lance un nouvel appel à témoins. La justice suédoise propose de nouveau une récompense à quiconque fournirait des informations sur le tireur, 5 millions d'euros à la clé. Dans les sous-sols du siège de la police criminelle à Stockholm, 4 policiers continuent de travailler à plein temps sur cette affaire. Oui, oui, aujourd'hui encore, en Suède, ce dossier est toujours aussi sensible. Oh, France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'assassinat du Premier ministre suédois Olof Palme, le 28 février 1986 à Stockholm. Notre invitée, la journaliste Anne-Françoise Hiver. Bonjour. Bonjour. Vous êtes correspondante de Radio France et du journal Le Monde en Suède, auteur de plusieurs articles et reportages sur l'affaire Olof Palme. Vous avez rencontré plusieurs des protagonistes de ce dossier. Vous êtes donc en duplex avec nous dans les studios de Sveriges Radio, la radio nationale suédoise, à Malmö, dans la ville de Malmö. Et nous remercions cette radio pour l'accueil qu'elle vous réserve. Anne-Françoise Hiver, nous commémorons aujourd'hui, mardi 28 février, le 31e anniversaire de cet assassinat que nous venons de raconter. Alors, après toutes ces années, quelle est la dimension de cette affaire auprès de l'opinion suédoise, pas seulement aujourd'hui parce que c'est l'anniversaire, mais quotidiennement? Est-ce que ça reste dans les têtes, dans les esprits? Oui, ça reste et ça restera sûrement très longtemps, en tout cas jusqu'à ce qu'on trouve le coupable, si on le trouve un jour d'ailleurs. Aujourd'hui, donc c'est le 31e anniversaire de la mort d'Olof Palme. Comme toutes les années précédentes, pour ce jour d'anniversaire, la police a d'ailleurs un numéro vert qui sera ouvert toute la journée. Et l'année dernière, pour le 30e anniversaire, il y a 200-300 personnes, je crois, qui ont appelé ce numéro. Régulièrement, on reparle de l'affaire, les journalistes sont contactés par des gens qui pensent avoir des indices, des témoignages, des gens aussi qui viennent avec des armes. Après le décès d'un proche, par exemple, ils retrouvent une arme dans un grenier, dans une cave, et ils pensent que ça peut être l'arme qui a tué Olof Palme. Il y a même une affaire très retentissante ici, puisque le journal Expressen avait eu vent d'une arme qui aurait été utilisée dans un cambriolage, et donc ils ont envoyé des plongeurs dans un lac pour essayer de retrouver cette arme qui aurait pu être utilisée pour l'assassinat d'Olof Palme. Alors malheureusement, elle était trop rouillée, donc ça a été impossible de voir si c'était l'arme en question. Mais c'est quelque chose qui revient très très fréquemment à l'ordre du jour en Suède. Et pourquoi ça laisse des traces? Ça laisse des traces parce qu'il y a le sentiment qu'on n'a pas trouvé le coupable, donc un sentiment d'injustice, ou aussi parce qu'on a la nostalgie d'Olof Palme, de sa politique aussi. Ce sont ces deux dimensions-là qui se rejoignent, ou l'une l'emporte sur l'autre? Il y a les deux aspects. Hein. Il y a cette énigme monumentale. C'est quand même un premier ministre qu'on a tué en pleine rue à Stockholm. Et puis, voilà, il y a eu toutes ces pistes dont vous avez parlé, des choses très bizarres qui se sont passées, des pistes qui n'ont pas été suivies par la police, etc. Donc ça, c'est une chose. Il y a aussi certaines personnes qui rêvent de trouver qui a tué Olof Palme, des policiers, des journalistes, etc. Et puis effectivement, Olof Palme, c'est une des personnalités politiques qui a marqué l'histoire contemporaine de la Suède et qui restera comme un des grands noms pour la social-démocratie suédoise, mais aussi pour la politique en général en Suède. Est-ce que dans le symbole, pas dans la politique forcément, mais dans le symbole, Olof Palme sera un peu le Kennedy suédois, dans ce qu'il aurait laissé, presque comme mythe aussi? Il y a un peu de ça, et je pense que le fait qu'il ait été tué alors qu'il était toujours en exercice, donc on n'a pas vu la fin de son règne en politique, par exemple, ce qu'il aurait pu donner après. Donc il y a un mythe qui s'est créé autour d'Olof Palme, sans aucun doute, et puis il y a le personnage qui était extrêmement controversé. Donc en ce sens, on pourrait effectivement faire la comparaison avec Kennedy. Il y avait les gens, j'ai rencontré l'ancien premier ministre suédois Ingvar Carlsson, donc qui lui a succédé, et qui disait il était soit on l'adorait, soit on le détestait. Il y avait des gens qui le haïssaient totalement dans ce pays, comme on peut penser aux États-Unis avec Kennedy, et des gens pour qui il était un symbole, quelqu'un qui a fait énormément pour la Suède, qui a placé la Suède finalement sur la carte du monde pour ce qui est de la diplomatie, par exemple. Alors on comprend pourquoi il pouvait être aimé, on comprend peut-être moins pourquoi il pouvait être détesté, comme vous dites, par certains Suédois. Pourquoi? Alors, il y a certaines parties de la population qui le voyaient un peu comme un traître, finalement, parce que c'est quelqu'un qui est né dans une famille très aisée, la bourgeoisie stockholmoise. Il aurait pu mettre ses talents pour faire une carrière en politique chez les conservateurs, par exemple. Il a choisi le Parti social-démocrate et il l'a choisi avec une beaucoup d'éclat, en plus en menant une politique qui lui a causé des ennemis en Suède, parce que tout le monde n'était pas d'accord avec ses positions sur la scène internationale, ce dont vous avez parlé aussi, les positions contre la guerre au Vietnam, anti-apartheid, etc., anti-colonialiste, donc c'est quelque chose qu'on lui reprochait, et il était vu comme un traître par une certaine frange de la population qui le haïssait véritablement. Il y avait des caricatures de lui, on lui a prêté des histoires, des liens avec des milieux extrêmement troubles à Stockholm. Il aurait eu des relations sexuelles avec plein de prostituées, il aurait évolué dans des milieux très troubles, oui, de Stockholm. Donc il y avait énormément de rumeurs qui circulaient sur lui. Alors, le dossier criminel sur son assassinat est toujours ouvert, évidemment. Que font les policiers qui travaillent encore dessus? Est-ce qu'il y a eu des pistes récentes qui pourraient apparaître comme sérieuses? Où en est-on? Alors donc ils sont quatre, ils travaillent dans le sous-sol d'un commissariat au centre de Stockholm avec je crois qu'un policier avait compté que les étagères sur lesquelles sont entreposés tous les documents font 250 mètres je crois, donc c'est les archives les plus importantes d'une enquête dans le monde, même au-delà de l'enquête sur l'assassinat de Kennedy. Et ben ces policiers, alors ils ont repris l'affaire depuis le début, ils reprennent tous les documents qui ont été rassemblés. Ils écoutent aussi, ils rencontrent aussi des témoins qui n'ont pas forcément été entendus à l'époque, ce qui paraît complètement incroyable. Des gens qui pourtant avaient essayé de contacter la police au moment des faits, mais qui n'ont jamais été rappelés. Et puis ils reçoivent fréquemment des appels téléphoniques de Suédois qui pensent avoir une idée en tête. Alors en général c'est un peu n'importe quoi, mais ils ont l'obligation de regarder toutes les pistes. Et puis il y a ces fameuses armes qui refont surface fréquemment, donc la plupart du temps elles sont éliminées d'office puisqu'on sait quel genre d'arme a tué Olof Palme, mais dans certains cas il faut faire des études balistiques pour tester ces armes et voir si c'est effectivement pas l'arme qui a tué Olof Palme. Françoise Hivert, de deux choses l'une, hein, ou l'assassin est un Suédois, ou l'assassin est un étranger. Bien, si c'est un Suédois, c'est une vérité plus difficile à accepter pour la Suède dans son entier, pour le gouvernement, d'où les suspicions de complot, peut-être. Parmi ceux qui le détestaient, on en parlait tout à l'heure, il y avait l'extrême droite, dont on peut connaître les méthodes, parfois. Est-ce que l'extrême droite paraît une piste sérieuse, peut-être plus sérieuse que les autres? C'est peut-être une vérité plus difficile à accepter, mais c'est une vérité que les Suédois commencent à accepter quand même, notamment lors du 30e anniversaire de sa mort. Il y a eu pas mal de tribunes dans les journaux, de gens qui travaillaient auprès d'Olof Palme, d'enquêteurs, etc., qui disent que c'est la piste qui semble la plus certaine, alors même si effectivement toutes les pistes et toutes les théories, il y a des points qui tendent à montrer que ça pourrait effectivement être cette théorie-là, mais à chaque fois on trouve des éléments des éléments à charge finalement. L'extrême droite, oui. Alors après, ça serait avec la participation de la police, parce que c'est autour de la police qu'il y a beaucoup de doutes, des comportements un peu étonnants de la police, des gens qui étaient dont on a su après qu'ils fréquentaient des milieux. Alors c'est l'extrême droite, mais c'est même la mouvance néo-nazie en Suède. Et c'est là effectivement que beaucoup de gens ont tendance à penser qu'on pourrait trouver une réponse, mais là encore, rien n'est confirmé. Françoise Hivert, en France, quand on voit une photo d'Olof Palme, c'est souvent la photo de sa rencontre avec François Mitterrand. Hein. C'était en avril 1977, donc Olof Palme est de passage en France. Il rencontre le leader du PS. Alors ce sont deux sociodémocrates, sauf que pour l'un c'est avoué, pour l'autre ça n'est pas encore avoué. Ça viendra plus tard. Et donc ils se rencontrent tous les deux. On va écouter un extrait de ce moment-là. Dans le socialisme, on ne donne pas de leçons, n'est-ce pas? On discute. Je crois que vous avez dit, est-ce que Olof Palme est venu nous dire comment ne pas perdre les élections? À vrai dire, il a beaucoup plus de raisons de nous expliquer comment on les gagne. Naturellement, pour nous, ce qui est important, c'est dont nous avons discuté des heures hier, c'est la démocratie économique qui peut se développer par notre gestion, la participation réelle, le pouvoir réel dans les usines des ouvriers, des employés, des salariés, et pour mettre le pouvoir dans la main du peuple. Françoise Hiver, la démocratie est un mode de gouvernance important dans les sociétés occidentales, l'un des plus importants de l'après-guerre. Il connaît une crise aujourd'hui, on en reparlera. Mais est-ce que du temps d'Olof Palme, la Suède était vraiment le berceau de la social-démocratie? Alors c'est une époque un peu particulière, hein. C'est une époque où le Parti social-démocrate est omniprésent, et il gagne les élections avec au minimum 40% des voix, souvent 50% des voix. Ils sont au gouvernement depuis plusieurs décennies, depuis la Seconde Guerre mondiale. Et c'est effectivement une époque, c'est un peu l'âge d'or de la social-démocratie suédoise, avec énormément de réformes qui sont mises en place, Olof Palme fait référence là au modèle de négociation, la conciliation, la négociation salariale, les partenaires sociaux qui s'assoient à la même table, qui discutent, qui sont capables d'arriver à des compromis et donc de passer des réformes qui vont placer la Suède un petit peu en avant sur d'autres sociétés européennes par exemple. Donc oui, c'était un moment particulièrement glorieux pour la social-démocratie suédoise. Alors ce qui est paradoxal, c'est que très rapidement après l'assassinat d'Olof Palme, donc au début des années 90, la droite remporte les élections, les conservateurs remportent les élections, donc c'est Carl Bildt qui sera Premier ministre, et c'est un moment très difficile pour la Suède, puisque c'est une crise financière très très forte qui va frapper la Suède, et qui va donner lieu à énormément de réformes qui vont dans l'autre sens, puisque c'est des privatisations et une société qui finalement s'éloigne un petit peu du modèle social-démocrate dont on voudrait bien se souvenir finalement, et qu'on mentionne souvent en France ou ailleurs, mais un petit peu de façon un peu galvaudée finalement, parce que c'est plus vraiment... C'était il y a 30 ans quand même. Alors, aujourd'hui, la social-démocratie dans tous les pays d'Europe quasiment est en crise. Elle est en crise structurelle parce que, on le rappelle, la social-démocratie, c'est un mode de gouvernance qui prend en compte les réalités de l'économie, mais qui génère des amortisseurs sociaux. Et pour ça, il faut que l'État ait des recettes, justement, avec les crises budgétaires dans tous les États. Ça devient compliqué. Donc, la social-démocratie est en crise en France comme ailleurs, en Suède aussi. Est-ce que les sociaux-démocrates respirent encore chez vous? Est-ce que politiquement, ils existent encore? Alors, ils contrôlent, enfin, ils sont au gouvernement. Hein, c'est ouais, mais bon. Mais ils sont en minorité, ils sont dans un gouvernement minoritaire avec les Verts. La Suède a mieux vécu la crise de 2008, la crise financière, puisqu'elle s'était préparée après la crise des années 90. Mais effectivement, on n'était plus dans la social-démocratie dont on parlait avant. Donc pour le Parti social-démocrate, c'est extrêmement difficile. Ils ont remporté les élections en 2014, mais c'est après 8 années de gouvernance à droite. Donc c'est plutôt un échec de la droite que un succès de la gauche, la preuve puisqu'ils sont minoritaires au gouvernement, et donc il y a pareil la même chose qu'en France ou dans d'autres pays européens, la montée de l'extrême droite, la montée des extrêmes, et des difficultés pour tous les partis traditionnels, en l'occurrence en Suède, pas seulement les sociaux-démocrates, les conservateurs aussi sont dans une position très scabreuse en ce moment. Donc le modèle suédois, hein, ce qu'on a appelé le modèle suédois, ben, il appartient, si j'ai bien compris, au passé. Aujourd'hui, quelle est la conscience des Suédois du poids que pèse ou ne pèse pas d'ailleurs leur pays dans le concert international? Comment se voit la Suède finalement? La Suède, c'est 10 millions d'habitants, donc c'est ridicule par rapport au reste de la planète. Et pourtant, on en parle beaucoup. Il y a eu la crise des réfugiés en 2014, 2015, 2016. La Suède a joué un rôle très important, ou en tout cas a voulu se présenter comme une puissance morale avec l'obligation d'accueillir ces réfugiés. Alors, on a effectivement accueilli 244 000 entre 2014 et 2015, ce qui est absolument énorme en termes de pourcentage par rapport à la population. Sauf que ça a fait long feu, puisqu'en 2016, elle a fermé ses frontières le 4 janvier 2016, pardon. Donc on n'est plus du tout dans la même perspective qu'il y a 2 ans. Mais elle veut toujours jouer un rôle important, notamment la Suède vient d'obtenir un siège au Conseil de sécurité de l'ONU. C'était une des promesses du gouvernement. et la volonté de la ministre des Affaires étrangères, donc Margot Wallström, de mener une diplomatie féministe, et qui fait pas mal de vagues d'ailleurs sur la scène internationale. Donc il y a une volonté de faire changer les choses, d'être un modèle quelque part, avec plus ou moins de succès. Bon, puis la Suède continue à décerner les prix Nobel, c'est pas rien non plus. Alors, Anne-Françoise Hiver, on va boucler la boucle, hein, revenir sur ce qui était nos considérations au début, parce que c'est quand même d'abord l'histoire d'un assassinat, cette histoire. Vous avez obtenu l'an dernier une interview de Leif Persson, un ancien policier que je ne connais pas moi, mais qui est très connu en Suède. Il est même devenu star du petit écran, je crois. Alors, on va l'écouter. Il critique la manière, évidemment, dont a été menée l'enquête sur l'assassinat d'Olof Palme. Qu'un anonyme qui détestait Palme se promène dans les rues de Stockholm, armé, et puis le croise par hasard, et se dit « je vais le tuer », alors là, je n'y crois pas. Mais une petite conspiration, peut-être. Quelqu'un qui aurait eu des informations sur lui, il ne le connaît pas forcément, il ne l'aime pas, mais il peut fermer sa bouche. Alors si c'est ça, c'est réussi. Alors on l'a vu dans le récit, la piste kurde était la théorie principale du commissaire Holmer. Pourquoi cet entêtement sur la piste kurde? Qu'est-ce qui faisait que ça pouvait être, à ses yeux, crédible? Oui, c'est très étrange, parce que ça va durer quand même plus d'un an, et du coup, c'est l'enquête va perdre un momentum énorme à cause de cette obsession du commissaire en question. Alors, Leif Geve Persson, donc ce commissaire dont vous me parliez, lui, il est persuadé, enfin, il rappelle que le chef de la police était incompétent. Il faut se rappeler que ça n'a jamais eu lieu, ce genre de choses. Enfin, c'est absolument du jamais vu en Suède. Un premier ministre tué de cette façon, donc il y a énormément de fautes qui vont être commises. Il part sur cette piste, et alors, ce qui est assez étonnant, c'est que finalement, il a le soutien du gouvernement, le soutien de politique, mais là aussi, on peut penser que c'est parce que c'est quelque chose d'absolument exceptionnel. Le gouvernement est totalement paralysé par cette affaire, donc il va continuer envers et contre tout, malgré les critiques, et puis jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il soit forcé de démissionner d'ailleurs après un scandale, parce que cette piste ne tient pas debout. Anne-Françoise Hiver, est-ce que vous avez une intime conviction, vous, sur l'origine de cet assassinat qui l'aurait perpétré ou commandité? Non, je me garderais bien d'en avoir une. Après, effectivement, j'aurais un peu tendance à être d'accord avec Leif Geve Persson, là, qui dit que ça serait très étonnant que ce soit quelqu'un sur un coup de tête. Même Christer Pettersson, dont vous avez parlé aussi, qui aurait tout d'un coup décidé... Meurtrier présumé, voilà, oui, au début. Tout à fait, et puis qui a continué à faire parler de lui énormément après, qui a joué là-dessus, qui a gagné beaucoup d'argent d'ailleurs en vendant des témoignages, où il était toujours très trouble sur sa participation, ou non, à l'assassinat d'Olof Palme. Enfin, il semble vraiment pas du tout crédible. Donc, effectivement, la piste policière semble assez convaincante. Mais ce qui est étonnant aussi, c'est que rien n'est fuité, qu'il n'y ait pas quelqu'un qui est reconnu, parce que c'est quand même, ça serait une conspiration. Personne ne savait où il allait. Ce jour-là, Olof Palme, il a décidé au dernier moment d'aller au cinéma avec sa femme. Donc, pour que ce soit, il y ait des gens qui soient là, qui soient prêts à intervenir, il aurait fallu qu'on l'écoute, qu'on le suive, qu'on sache où il allait. Il aurait fallu plusieurs personnes. Donc là aussi, ça semble étonnant. Donc c'est ça qui est fascinant aussi. Il me reste à vous remercier, Anne-Françoise Hiver. Vous étiez en direct de la ville de Malmö, en Suède. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'assassinat d'Olof Palme, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, nous évoquerons la mort de Malik Oussekin. C'était le 6 décembre 1986 à Paris.